Deuxième partie. Dans la chambre numéro 3. Bonjour Valérie. Tu es fatiguée? Oui. Et puis je suis en retard. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en avance, naturellement. Où vas-tu? Chez le coiffeur. J'ai un rendez-vous ce matin. Regarde mes cheveux. Ils sont affreux. En effet. Pourquoi est-ce que tu n'achètes pas une perruque? En effet. Pourquoi pas? Allons bon. Je ne trouve pas son adresse. Elle est peut-être dans ton sac à main. Ah oui, peut-être. Donne-moi mon sac, s'il te plaît. Mais où est-il, mon sac à main?